Ton cœur n'aura jamais été qu'un océan à débordement qui lance et va contre tes yeux. Je veux pas que tu me dises que tu vas mieux. Moi sans toi je ne suis pas heureux. Je veux pas que tu me dises que tu vas mieux. Je suis perdu, triste, malheureux. Je veux pas que tu me dises que tu vas mieux. Que tu m'oublies et que c'est tant mieux. Je n'aurais été qu'un petit point que maintenant tu dissimules. Une vieille histoire embarrassante. Ne me dis pas que tu vas mieux. Tu penses à moi des fois comme ça, soulagé de ne plus être avec moi, soulagé de ne plus avoir ce poids. C'est sûr, maintenant tu vas mieux. Même si je crève à petit feu. Et même maintenant, si tu vas mieux, y aura toujours ce truc cassé que tu n'oublieras sûrement jamais. À chaque fois que tu penseras à moi, ça reviendra comme la peste. Alors tu ne penseras plus à moi.